aux amants égarés. Demeureront à jamais en ces lieux protégés de jadis routiers. Descends de vos palais, de ces lointains ébats. Il ne reste aujourd'hui que de ternes éclats. Flotte encore les ondes de ces temps révolus, planant sur l'instant, chassé par la conscience. J'ai vécu en ces lieux où les rêves étaient rois, où le chemin s'achève, où le chemin s'achève. De vos voix, les fleuves de votre âme, cristallins et brûlants, coulaient en grandes larmes. Figures impétueux, bouillonnant en unis, ils ne résonnent plus, leur source s'est tarie. Il ne reste en ces lieux que des êtres éperdus, d'amour qui jamais ne s'avoue vaincu, croyant toujours entendre les échos du passé. Flotte encore les ondes de ces temps révolus, planant sur l'instant, chassé par la conscience. J'ai vécu en ces lieux où les rêves étaient rois, où le chemin s'achève, où le chemin s'achève. Fuir la mélancolie, laisser soudain la vie souffler dans l'herbe folle. Lever, penser mes rêves, accepter le défi et croire en l'avenir.